Lettre 3 d'Émile. Je vais maintenant parler de l'ouvrage qui a consacré la gloire de Rousseau, de celui que son nom d'abord nous rappelle et qui confond l'envie après l'avoir excité. L'auteur d'Émile s'était fait connaître dans ses premiers écrits. Avant même d'avoir élevé ce grand édifice, il en avait montré la puissance. Mais l'admiration, sentiment auquel on se plaît à résister, n'aurait peut-être pas été généralement accordée aux autres ouvrages de Rousseau, si, forcé de couronner Émile, il n'avait pas fallu respecter jusqu'aux essais du talent qui sut ainsi se développer à nos yeux. C'est un beau système que celui qui, recevant l'homme des mains de la nature, réunit toutes ses forces pour conserver en lui l'empreinte qu'il a reçue d'elle et l'exposer au monde sans l'effacer. On répète souvent que dans la vie sociale, ce système est impossible. Mais je ne sais pas pourquoi l'on a voulu trouver cette auguste empreinte que dans l'homme sauvage. Ce n'est pas le progrès des Lumières ni l'ordre civil. C'est l'erreur et l'injustice qui nous éloignent de la nature. L'homme seul ne peut atteindre à toutes les connaissances des hommes réunis pendant plusieurs siècles. Mais le fil d'Ariane conduit depuis les premiers pas jusqu'au dernier. L'esprit juste et le cœur droit peuvent concevoir toutes les combinaisons nécessaires au devoir de cette vie. On croit avoir jugé les idées de Rousseau quand on a appelé son livre un ouvrage systématique. Peut-être les bornes de l'esprit humain ont-elles été assez reculées depuis un siècle pour qu'on ait l'habitude de respecter les pensées nouvelles. Mais ne serait-il pas possible même qu'il vînt un temps où l'on se fût tellement éloigné des sentiments naturels qu'ils parussent une découverte, et où l'on eût besoin d'un homme de génie pour revenir sur ses pas et retrouver la route dont les préjugés du monde aurait effacé la trace. C'est ce sublime effort dont Rousseau s'est montré capable. L'homme reçoit trois éducations, celle de la nature, de son précepteur et du monde. Rousseau a voulu confondre les deux premières. Il développe les facultés de son élève comme ses forces physiques, avec le temps, sans ralentir ni hâter sa marche. Il sait qu'il doit vivre parmi des hommes qui se sont condamnés à une existence contraire aux idées naturelles. Mais comme la loi de la nécessité est la première qui lui a appris à respecter, il supportera les institutions sociales comme les accidents de la nature. Et le jugement droit, les sentiments simples qu'on lui a inspirés, guideront seulement sa conduite et soutiendront son âme. Qu'importe si, sur le théâtre du monde, il est acteur ou témoin, on ne le verra point troubler le spectacle. Et si les illusions lui manquent, les plaisirs vrais lui resteront. On se plaint des soins infinis que cette éducation exigerait. Sans doute, dans un séjour pestiféré, l'on se défend avec peine de la contagion. Mais Émile, enfant, s'élèverait de lui-même dans une ville habitée par des Émiles. D'ailleurs, quand la moitié de la vie serait consacrée à assurer le bonheur de celle d'un autre, y a-t-il beaucoup d'hommes qui dussent regretter cet emploi de leur temps? Enfin, si les femmes, s'élevant au-dessus de leur sort, osaient prétendre à l'éducation des hommes, si elles savaient dire ce qu'ils doivent faire, si elles avaient le sentiment de leurs actions, quelle noble destinée leur serait réservée? Rousseau veut qu'on développe les facultés avant d'apprendre les sciences. En effet, l'enfant dont l'esprit n'est pas au niveau de sa mémoire retiendra ce qu'il n'entend pas, et cette habitude dispose à l'erreur. J'ignore si Rousseau ne retarde pas trop le moment où l'étude doit être permise. Il ne peut être fixé. Les enfants diffèrent entre eux comme les hommes. Quel bon esprit on prépare à celui qui n'adopta jamais que ce qu'il avait compris. Je le sais, la jeunesse efface les erreurs de l'enfance et perd les siennes à son tour. Mais celui qui, suivant son âge, n'aurait jamais cru que la vérité, arriverait à la principale époque de la vie avec un jugement inaltérable. Et les idées morales, devenues pour lui comme des propositions de géométrie, s'enchaîneraient dans sa pensée depuis sa naissance jusqu'à sa mort. On ne le préserverait pas des mouvements des passions, mais on le garantirait des excuses qu'elle cherche. Il pourrait être entraîné, mais jamais égaré. Et s'il tombait dans le précipice, il s'y verrait au moins, et ses yeux, restés ouverts, l'aideraient bientôt à s'en retirer lui-même. Que j'aime cette éducation sans ruse et sans despotisme, qui traite l'enfant comme un homme faible, et non comme un être dépendant, qui le force à l'obéissance, non en le faisant plier sous la volonté d'un gouverneur ou d'un père dont il ne connaîtrait pas les droits et dont il haïrait l'empire, mais sous la nécessité muette mais inflexible. Sous la nécessité, éternelle puissance qui le commandera quand ses maîtres ne pourront plus rien sur lui. Pouvoir qui n'avilit pas celui qui s'y soumet et ne donne point à un homme l'habitude d'obéir aux autres hommes. L'enfance précède la vie. Quel en soit le tableau en raccourci, le soir du jour souillé par nos fautes, un maître sévère ne vient pas nous imposer des punitions qui ne naissent point d'elles. Mais nos amis s'éloignent si nous les avons blessés, mais on cesse de nous croire si nous avons trompé. La seule ruse permise avec les enfants, c'est de les traiter comme des hommes, de faire naître autour d'eux l'expérience, en leur cachant le peu d'importance qu'on attache à leurs premiers torts, et le charme de leur petite grâce, présage de l'empire que d'autres séductions peuvent avoir un jour. Il est un genre d'expérience, toutefois, qu'on doit retarder le plus possible. C'est la connaissance des vices des hommes. Il faut être bien fort pour braver l'exemple et supporter l'injustice. Les enfants ne doivent jamais éprouver les défauts de ceux qui les environnent. Que cette grande et dernière leçon soit réservée pour l'âge où l'on a déjà choisi sa route. La vertu n'est pas, comme la gloire, un but d'émulation. Ceux qui prétendent à l'une ne veulent point d'égo. Ceux qui cherchent l'autre ralentissent quelquefois leurs efforts lorsqu'ils trouvent des compagnons de paresse. Il faut être homme pour apprendre sans danger à connaître les hommes. Il paraissait difficile d'exciter les enfants à l'étude sans employer les moyens ordinaires de l'éducation, sans manquer aux principes qui conservent dans l'enfant la dignité de l'homme, en ne lui apprenant ni à commander ni à obéir. Rousseau s'assure de sa docilité par la dépendance de sa nature. Elle l'oblige à un échange de services, premier fondement de toute société. Les connaissances sont nées du besoin des hommes, et depuis que tous les ont acquises, elles sont encore plus utiles à chacun d'eux. On peut amener une circonstance qui en fasse sentir à l'enfant la nécessité, et lui inspire aujourd'hui le désir de cette même science, dont hier il eût fallu lui commander l'étude. Mais, dira-t-on, pourquoi ne pas le conduire par la reconnaissance et par la tendresse? Le premier de ces sentiments n'est pas conçu par un enfant. Il n'unit point ensemble le présent et le passé. Le second doit naître de lui-même. Mais son action ne développe ni le jugement, ni la pensée. Elle n'a pas le même empire sur tous ces jeunes cœurs, et ne leur donne point l'idée de la vie où des relations de tout genre tirent leur force de la raison et de la nécessité. Rousseau se sert pour l'enfance des ressorts qui doivent mouvoir tous les âges. Avec quel soin n'interdit-il pas ces motifs d'émulation et de rivalité qui préparent d'avance les passions de la jeunesse? Émile n'est point un guerrier, un poète, un administrateur. C'est un homme. L'homme de la nature instruit de toutes les découvertes de la société. Il voit plus loin que le sauvage, mais dans la même direction. Il a ajouté des idées justes à des idées justes, mais une erreur ne peut entrer dans sa tête. Tout le monde a adopté le système d'éducation physique de Rousseau. Un succès certain n'a point trouvé de contradicteur. Ses idées morales sont sur le même modèle. Aucun lien important ne gêne les mouvements des enfants. La contrainte ne borne point leur liberté. Rousseau les exerce par degrés. Il veut qu'ils fassent eux-mêmes tout ce que leurs petites forces leur permettent. Il ne hâte point leur esprit. Il ne les fait pas arriver aux résultats sans passer par la route. Enfin, si la même pensée avait créé le monde physique et le monde moral, si l'un était pour ainsi dire le relief de l'autre, pourquoi se refuserait-on à trouver dans l'ensemble du système de Rousseau la preuve de sa vérité ? Je ne sais pas si je suivrai entièrement pour mon fils la méthode de Rousseau. Peut-être ma vanité voudrait-elle le former pour un état déterminé, afin qu'il fût de bonne heure avancé dans une carrière. Au moins, je me dirais, c'est ainsi qu'on doit élever l'homme. C'est l'éducation de l'espèce plutôt que celle de l'individu. Mais il faut l'étudier comme ces modèles de proportion que les sculpteurs ont toujours devant les yeux, quelles que soient les statues qu'ils veulent faire. C'est l'éloquence de Rousseau qui ranima le sentiment maternel dans une certaine classe de la société. Il fit connaître aux mères ce devoir et ce bonheur. Il leur inspira le désir de ne céder à personne les premières caresses de leurs enfants. Il interdit autour d'eux les serviles respects des valets, qui leur font sentir leur rang, en leur montrant le contraste de leur faiblesse et de leur puissance. Mais il permit les tendres soins d'une mère. Ils ne gâteront point l'enfant qui les reçoit. Être servi rend tyran, mais être aimé rend sensible. Qui, des mères ou des enfants, doit le plus de reconnaissance à Rousseau? Ah, ce sont les mères, sans doute. Ne leur a-t-il pas appris, comme l'écrivait une femme, dont l'âme et l'esprit font le charme de ceux qu'elle admet à la connaître, à retrouver dans leur enfant une seconde jeunesse, dont l'espérance recommence pour elle quand la première s'évanouit? Tout n'est pas encore perdu pour la mère malheureuse dont les fautes ou la destinée ont empoisonné la vie. Ces jours de douleur lui ont peut-être valu l'expérience, qui préservera des mêmes peines le jeune objet de ses soins et de sa tendresse. Dans tous les portraits de Rousseau, on l'a peint couronné par des enfants. En effet, il a su rendre cet âge à son bonheur naturel, et peut-être n'est-il que celui-là d'assuré dans la vie. Bientôt la jeunesse arrive, ce temps faussement vanté, ce temps des passions et des larmes. Il faut assurer des jours de bonheur à l'enfance, dans cet âge où l'imagination ne craint rien de l'avenir, où le moment présent compose toute la vie, où le cœur aime sans inquiétude, où le plaisir se fait sentir, tandis que la peine est encore inconnue. Le bonheur de l'enfant dépend de sa mère. Hélas, un jour peut-être elle le pressera vainement contre son sein. Ses caresses ne feront plus renaître le calme dans son âme. Rousseau n'a point voulu qu'Émile fût un homme extraordinaire. Le génie et l'héroïsme sont des exceptions de la nature dont elle fait seule l'éducation. Il l'a peint tel que tous les pères peuvent espérer de rendre leur fils, en suivant le même plan. Je me demanderai, pour juger de ce système, s'il est vrai que tous les effets naissent des moyens, et si ces effets sont désirables. Or, il me semble que l'enfant élevé suivant les principes de Rousseau serait Émile, et qu'on serait heureux d'avoir Émile pour fils. Je suis loin d'adopter le système d'Helvétius et d'attribuer à l'éducation seule la distance qui peut exister entre l'esprit de Voltaire et celui des autres hommes. Les talents de l'esprit sont sans doute inégaux par la nature, mais les sentiments innés dans tous les cœurs peuvent être développés par l'éducation. Je crois qu'elle a presque toujours une manière de rendre, ou plutôt de laisser à l'âme sa bonté primitive. Pour un aveugle né, combien ont perdu la vue ? Je sais qu'il paraîtra peut-être extraordinaire d'adopter le système de Rousseau. On s'accorde pour admirer son éloquence, mais on a trouvé simple de croire que cette imagination, si vive et si féconde, cette âme si passionnée, avait acquitté la nature envers lui, et qu'un tel talent de peindre ne pouvait être uni à la justesse d'esprit nécessaire pour tracer un plan utile. On a dit que ses opinions étaient impraticables ou fausses, afin de le ranger dans cette classe que les hommes médiocres même traitent avec dédain, ravis d'opposer le court enchaînement de leurs incontestables idées communes aux erreurs qui peuvent se rencontrer dans la suite des pensées nouvelles d'un grand génie. Moi, je ne crois pas qu'un ouvrage sur l'éducation, dont le système est parfaitement suivi depuis la première ligne jusqu'à la dernière, et qui doit réveiller sans cesse tous nos sentiments et toutes nos idées habituelles, pût intéresser s'il fatiguait l'esprit par sa fausseté. Enfin, je vois adopter en détail ce plan dont on rejette l'ensemble, et je ne puis m'accoutumer à entendre juger le style sans les pensées, comme si l'effet de l'un était séparé de l'impression des autres, comme s'il ne fallait pas au moins, quand tout le système ne serait pas juste, que les idées et les sentiments dont l'éloquence se compose le fussent toujours. J'avouerai que pour me conformer à l'avis de la multitude, qui ne veut pas croire vrai tant de pensées neuves, vainement à chaque page j'étais de l'avis de Rousseau. À la fin du livre je me disais « c'est sûrement faux » et j'attribuais à son talent seul la persuasion dont je ne pouvais me défendre. Mais j'ai fini cependant par m'en fier assez à la réflexion pour ne pas craindre les opinions mêmes que l'éloquence développe. Sans doute, quand elle cède du geste et de l'accent, elle peut, à la tête des armées, dans une émeute populaire, entraîner les hommes par tout ce qu'ils ont de sensible et suspendre leurs autres facultés. Mais dans la retraite, lorsque aucune passion ne nous aveugle, l'impression du talent reste, mais son illusion disparaît. Rousseau voulait élever la femme comme l'homme, d'après la nature, et suivant les différences qu'elle a mises entre eux. Mais je ne sais pas s'il faut tant la seconder en confirmant pour ainsi dire les femmes dans leur faiblesse. Je vois la nécessité de leur inspirer des vertus que les hommes n'ont pas, bien plus que celle de les encourager dans leur infériorité sous d'autres rapports. Elles contribueraient peut-être autant au bonheur de leur époux si elles se bornaient à leur destinée par choix plutôt que par incapacité, et si elles se soumettaient à l'objet de leur tendresse par amour plutôt que par besoin d'appui. Une grande force d'âme leur est nécessaire. Leurs passions et leurs destinées sont en contraste dans un pays où le sort impose souvent aux femmes la loi de n'aimer jamais, où, plus à craindre que ces pieuses filles qui se consacrent à leur Dieu, elles doivent accorder tous les droits de l'amour et s'interdire tous les plaisirs du cœur. Ne faut-il pas un sentiment énergique de ses devoirs pour marcher isolée dans le monde et mourir sans avoir été la première pensée d'un autre, sans avoir surtout attaché la sienne sur un objet qu'on pût aimer sans remords? Rousseau, dira-t-on, ne s'occupait pas des bizarres institutions de la vanité. Il n'appuyait pas un édifice qu'il eût voulu renverser. Mais pourquoi donc a-t-il fait de sa Sophie une femme incapable de conserver même la plus heureuse situation du monde? Comment, dans un morceau sublime, supplément de son ouvrage, a-t-il peint cette Sophie trahissant son époux? Il a condamné lui-même l'éducation qu'elle avait reçue. Il l'a sacrifiée au désir de faire valoir celle d'Émile, en donnant le spectacle de son courage dans la plus violente situation du cœur. Comment a-t-il pu se résoudre à nous offrir Sophie au-dessous de tout, infidèle à ce qu'elle aime? C'est plus que faible qu'il l'a montré. Avait-elle besoin de force? Elle avait épousé son amant. Ah, pourquoi flétrir le cœur par la triste fin de l'histoire d'Émile et de Sophie? Pourquoi seconder ceux qui, ne croyant pas à la durée des sentiments, pensent qu'il est égal de commencer ou de finir par ne pas s'aimer? Pourquoi dégrader les femmes en faisant tomber celles qui semblaient devoir être leur modèle? Ah, Rousseau, c'est mal les connaître. Leur cœur peut les égarer, mais leur cœur sait les défendre. Aucune de celles mêmes que la vertu seule n'arrêterait pas, unie à ton Émile, aimée par lui, n'aurait changé la paix et le bonheur contre le désespoir et la honte. Aucune, faible même, comme tu veux qu'elle le soit, ne se fût bannie du paradis terrestre en rompant les liens d'un hymen formé par l'amour. Je ne sais pas s'il fallait montrer Émile en proie aux plus cruelles infortunes. l'influence de la vertu sur le bonheur était un spectacle plus utile. Il est sans doute des peines dont elle ne préserve pas. Mais il en est tant qu'elle épargne, qu'il est permis d'employer cet appât pour attirer vers elle. Mais quel charme dans tous les tableaux de cet ouvrage! Quelle finesse et quelle étendue dans les idées! Tantôt l'auteur ajoute une idée nouvelle à un sujet qui semblait épuisé, ou sait, par une seule pensée, ouvrir une carrière immense à la réflexion. En voulant former un homme, il s'est nécessairement occupé de toutes les idées qui peuvent entrer dans la tête. Quelle méditation cela suppose, ou plutôt quelle originalité dans l'écrivain à qui tous les objets connus se présentent sous une forme neuve et vraie, et qui trouve presque toujours son esprit dans la nature. C'est une pensée bien heureuse d'avoir donné à un traité d'éducation la forme de l'histoire de son élève. Rien n'est étranger au but, rien ne détourne de l'idée abstraite. Mais la pensée se repose et l'attention est entraînée. Rousseau veut que des événements de sa vie gravent dans la tête de l'enfant les vérités qu'il doit apprendre. S'il faut lui donner l'idée des droits de la propriété, son travail est détruit par Robert, possesseur du champ dont il s'est emparé. Le chagrin et la colère d'Émile impriment dans son esprit le souvenir de l'explication qu'il a reçue. C'est par les sentiments de son âme que Rousseau captive son intérêt. Il traite de même le lecteur, et son ingénieuse adresse emploie le même moyen pour élever l'enfant et retenir l'attention des hommes. Les circonstances les plus légères frappent l'imagination et ajoutent à la vérité des tableaux. Les détails font peu d'impression quand ils rappellent des circonstances ou des personnes indifférentes, mais lorsqu'ils tiennent à de grands sentiments, lorsqu'on a longtemps d'avance intéressé le lecteur pour Émile et pour Sophie, le cœur bat en les voyant lutter à la course ensemble, s'amuser encore dans l'âge des passions, de ses jeunes plaisirs, et savoir unir la simplicité de l'enfance au charme de la jeunesse. Heureux par ce sentiment qui fait une époque des événements les plus ordinaires de la vie, Émile ne peut lutter dans ce combat inégal. Il sent sa force, il aime la faiblesse de Sophie, et, la portant au but dans ses bras, tombe à ses pieds et se reconnaît vaincu. Cette image ravissante s'est souvent offerte à ma pensée. Rousseau, dans Héloïse, avait peint la passion exaltée par le combat du remords, par l'ivresse de la faute, le tableau de deux amants ignorant le repentir et la crainte, s'aimant sans que l'obstacle, ce besoin des cœurs usés, soit nécessaire pour les ranimer, est peut-être un aussi grand effort du talent. La vérité, la justesse, y étaient encore plus nécessaires, et des sons si doux, pour émouvoir le cœur, doivent bien y répondre. Je sais qu'on peut avec raison être frappé du mauvais goût que Rousseau se permet quelquefois. Il se plaît dans les contrastes et les produit par les mots autant que par les idées. On pourrait blâmer un tel système. La pensée doit voir les extrêmes, mais non l'imagination. L'impression du dégoût qu'elle en reçoit ne rend pas la vérité plus sensible et déplaît inutilement. On a quelquefois accusé Rousseau d'exagération et de fausse chaleur. J'avouerai qu'en ne trouvant pas toujours toutes ces idées justes, en n'étant pas toujours ému par tous ces mouvements, il m'a paru constamment naturel. Il diffère des autres, mais c'est pour lui, non pour eux, qu'il parle. On a pu le juger fou dans quelques pages, mais rien n'est plus loin de l'affectation. Sa folie, si l'on doit employer ce mot, est l'exaltation de tout ce qui est bien. Ce sont des idées qui n'ont pas été, pour ainsi dire, raccordées avec les hommes, mais qui seraient vraies abstraitement. Comment ne pas adorer son amour pour la vertu, sa passion pour la nature? Il ne l'a pas peinte comme Virgile, mais il l'a gravée dans le cœur. Et l'on se rappelle ses sentiments et ses pensées en revoyant les lieux qu'il a parcourus, les sites qu'il préférait. Quel écrivain que Rousseau ! On a souvent parlé du danger de l'éloquence, mais je la crois bien nécessaire quand il faut opposer la vertu à la passion. Elle fait naître dans l'âme ces mouvements qui décident instantanément du parti que l'on prend. Il semble que la raison s'offre longtemps à l'esprit avant que le cœur en soit convaincu. Mais lorsqu'il l'est, on n'a plus besoin de réflexion. On va de soi-même, on est entraîné. C'est l'éloquence seule qui peut ajouter cette force d'impulsion à la raison et lui donner assez de vie pour lutter à force égale contre les passions. Mais, heureux Émile, si celui qui veille sur sa destinée le préserve des combats avec lui-même et ne le place pas dans ces cruelles situations qui naissent de la société et s'opposent à la nature, puisse-t-il suivre l'intention de la Providence qui n'a rien ordonné à l'homme que pour sa félicité, même sur cette terre, et ne lui fit une loi de la vertu que pour assurer son bonheur. En ne le laissant pas dépendre des bornes de sa propre intelligence, l'obéissance supplée aux lumières de sa raison. On reproche à Rousseau de donner trop tard à son élève la connaissance d'un Dieu. Cette vérité de sentiment pourrait être connue avant le développement des facultés de l'esprit. Je ne sais pas cependant si ce superbe mot de l'énigme du monde ne frapperait pas davantage celui qui ne l'apprendrait qu'en le concevant. On a souvent remarqué que les merveilles de tous les jours n'excitaient plus notre étonnement. Une grande idée qu'un enfant met à son niveau, qu'il rapproche de ce qu'il connaît, qu'il confond avec toutes les petites pensées de son âge, est moins auguste à ses yeux que si, pour la première fois, elle répandait des torrents de lumière sur les ténèbres de l'univers. Rousseau croyait à l'existence de Dieu par son esprit et par son cœur. Quelle est belle sa lettre à l'archevêque de Paris ! Quel avantage la vraie philosophie n'a-t-elle pas sur la plupart des sectes religieuses, quand elle ne tente pas d'ébranler les éternelles bases de toute croyance ? Quel chef-d'œuvre d'éloquence dans le sentiment, de métaphysique dans l'épreuve, que la profession de foi du vicaire savoyard ! Rousseau était le seul homme de génie de son temps qui respecta les pieuses pensées dont nous avons tant de besoin. Il consulte l'instinct naturel et consacre ensuite toute la force de la réflexion à prouver à sa raison la vérité de cet instinct. La philosophie rejette ces persuasions intimes, involontaires, qui ne sont point nées du calcul et de la méditation abstraite. Mais que j'aime mieux celui qui leur prête l'appui de son génie, tâche de les fortifier en moi, et loin d'opposer ma raison à mon cœur, cherche à les réunir pour faire pencher la balance et cesser le combat. La profession de foi du vicaire savoyard était justement admirée comme une suite de raisonnements forts et profonds qui formaient un ensemble d'opinions que l'on adoptait avec transport au milieu des égarements des fanatiques et des athées. Mais cet ouvrage n'était que le précurseur de ce livre. Note de l'importance des opinions religieuses par M. Necker. Époque dans l'histoire des pensées, puisqu'il en a reculé l'empire. De ce livre qui semble anticiper sur la vie à venir, en devinant les secrets qui doivent un jour nous être dévoilés. De ce livre que les hommes réunis pourraient présenter à l'être suprême comme le plus grand pas qu'ils aient fait vers lui. De ce livre que le nom de son auteur consacre en le mettant à l'abri du dédain de la médiocrité, puisque c'est le plus grand administrateur de son siècle, le génie le plus clair et le plus juste, qui a demandé d'être écouté sur ce qu'on voulait rejeter comme obscur et comme vague. De ce livre, dont la sensibilité majestueuse et sublime peint l'auteur aimant les hommes comme l'ange gardien de la terre doit les chérir. Pardonne-moi, Rousseau, mon ouvrage t'est consacré. Et cependant, un autre est devenu un moment l'objet de mon culte. Toi-même, toi surtout, ton cœur passionné pour l'humanité, eût adoré celui qui, longtemps occupé de l'existence de l'homme sur la terre, après avoir indiqué tous les biens qu'un bon gouvernement peut lui assurer, a voulu le rendre indépendant par son âme de toutes les circonstances extérieures. Oui, Rousseau savait admirer. Et n'écrivant jamais que pour céder à l'impulsion de son âme, les vaines jalousies n'entraient point dans son cœur. il aurait eu besoin de louer celui que je n'ose nommer, celui dont je m'approche sans crainte, quand je ne vois en lui que l'objet de ma tendresse, mais qui me pénètre plus que personne de respect quand je le contemple à quelque distance. Enfin, celui que la postérité, comme son siècle, désignera par tous les titres du génie, mais que mon destin et mon amour me permettent d'appeler mon père.